La délégation de l'Assemblée populaire suprême, conduite par le député Li Zhongyong, directeur de l'Institut pour la réunification de la patrie, a quitté le 30 mars Pyongyang par avion pour participer à la 136e Assemblée générale de l'Union parlementaire internationale prévue au Bangladesh.